sin seconde de et je me sens revivre. Tant pis pour la distance, je n'y renoncerai pas, j'ai bien trop à écrire. Plus rien n'a d'importance, l'espace d'une seconde ou deux et je me sens revivre. Tant pis pour la distance, je n'y renoncerai pas, j'ai bien trop à écrire. D'importance, l'espace d'une seconde ou deux et je me sens revivre. Tant pis pour la distance, je n'y renoncerai pas.